Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Où en était Étienne Dao de sa vie de chanteur pop en mars 1985 ? À son tout début, et déjà, les choses se passaient plutôt très bien pour lui. Il avait enregistré 2 albums, et le deuxième, La Notée, se vendait comme des petits pains. Il allait faire son premier Olympia, à guichet fermé. Il préparait son 3e album, Pop Satori, qui devait connaître lui aussi un grand succès. Dao était partout. Multiplier les projets, les collaborations avec d'autres artistes, on parlait de Daomania. Bref, le ciel était dégagé et le soleil brillait pour lui. Et en ce début de printemps 85, invité de l'émission Diagonale sur France Culture, il en semblait ravi. Mais à l'entendre, sincèrement modeste, souligner volontiers ses faiblesses et parler de l'aventure fragile qu'était son métier, on peut se demander s'il aurait alors parié cher que, 30 ou 40 ans plus tard, couvert de succès et d'honneur, il tiendrait plus que jamais son rang dans les premières lignes de la pop française. Pas sûr, et pourtant, Étienne Dao, qui n'est depuis tombé ni pour la France ni pour autre chose, est toujours bien là. France Culture, voici maintenant Diagonale, Marc Legras, Jacques Erwan. Bonsoir, c'est Diagonale. Étienne Dao, soft qui peut. J'avais pas une grande conviction au départ quand j'ai commencé, j'ai fait juste un album. Enfin, j'étais en fac, j'étais en licence d'anglais. Je traînais avec toute la faune, Marquis de Sade, etc., qui était à Rennes, puisqu'il y avait une scène qui était quand même très vivante. Et en fait, je suis tombé amoureux, j'ai voulu faire moi aussi mon disque, c'est-à-dire que je voulais faire une date discographique. Alors j'ai fait un album qui en fait devait être le dernier. Et puis j'ai été un petit peu mordu, et puis j'ai continué, maintenant c'est une passion. Étienne, l'album suivant a été La Note et La Notée. À propos du travail de cet album, tu as dit que à la fois tu avais les avantages du travail en équipe et les avantages de la carrière solo. Oui. Est-ce que tu peux t'expliquer ? J'ai les avantages de travailler en équipe avec des musiciens qui sont vraiment hyper motivés. Ce sont d'excellents musiciens qui sont Arnold Turbous, François Daniel, etc. Bon, je vais pas donner tous les noms, mais enfin, il y a 5 musiciens et plus moi. Et les avantages de la carrière solo, c'est que je choisis toujours tout. C'est-à-dire que je choisis les pochettes. Il n'y a pas 5 avis à donner sur une pochette, ni sur le choix d'une chanson, ni sur le choix d'un titre. Et que bon, je suis un genre de chef et ça me satisfait quand même. C'est assez confortable comme situation. Étienne Dao. Je suis quand même à l'écoute de tout ce qu'ils peuvent me suggérer, évidemment. Étienne, lorsque tu as enregistré l'album La Note et La Note, au moment de rentrer en studio, tu avais 30 chansons. Oui. J'aime toujours avoir beaucoup de chansons d'avance pour pouvoir sélectionner. Et lorsque je me suis dit que La Notée, c'était un titre génial pour moi, c'est-à-dire que j'aimais bien le côté un peu humoristique. La Notée, ça faisait un côté un peu exalté qui me faisait marrer. Et puis en même temps, j'avais beaucoup de chansons sur la nuit. Alors je me suis dit, sans faire un concept album, on va prendre comme chansons toutes celles qui ont pour dénominateur commun la nuit. Et puis... Et puis voilà, ça permettait de faire un disque un petit peu plus homogène. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé. De toute façon, on travaillait toujours beaucoup. Là, on vient de terminer un 45 tours qui s'appelle Tomber pour la France. C'est un titre qui est très contesté, mais ça n'a rien de... Enfin... Étienne, il t'arrive souvent de craindre, ou de dire craindre, ne pas être à la hauteur. Mais en permanence, enfin, c'est un souci permanent, évidemment. Surtout que c'est la première tournée et que on a beaucoup parlé de moi dans la presse et en bien, ce qui est d'autant plus dangereux parce que tous les gens se disent qu'est-ce que c'est, ça va être génial. Et moi je suis pas du tout un showman, c'est-à-dire que je suis pas du tout un acrobate, que je suis planté devant mon micro, que que j'ai des chansons à défendre, que les chansons aussi se suffisent d'une certaine façon. Elles. C'est pour ça que j'ai envie de faire un spectacle qui soit extrêmement sobre, extrêmement simple, et que on les joue bien, que je les chante bien, que les gens soient contents d'être là, et je serai content d'être avec eux. C'est déjà pas mal. Ça sera pas Hollywood, quoi. Ça sera pas le zénith avec des plumes et tout ça, quoi. Est-ce qu'il t'arrive de craindre un tout petit peu que les gens attendent le chanteur du Grand Sommeil, par exemple, ou de la Note? Non, parce que j'ai pas fait de gros hit singles. C'est-à-dire que j'ai fait des albums. Un premier album qui s'est pas beaucoup vendu, même assez peu. On peut même dire que c'était un bide, peu importe, moi je le trouve très bien. Et le deuxième qui a beaucoup marché. Et on se rend compte, enfin, je suis davantage un vendeur d'albums, enfin, de par les éléments qu'on a maintenant, qu'un vendeur de simples. Ce qui fait que je suis pas le Grand Sommeil, ni Weekend à Rome, ni Sortir ce soir, mais 10 chansons complètement différentes. Ce qui est quand même beaucoup plus confortable, parce qu'un tube c'est très lourd quand même. Et je préfère être dans ma situation, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai un compte en banque qui est beaucoup moins rempli qu'Axel ou Jackie Quartz ou Lio, enfin des gens qui ont beaucoup cartonné les dernières années, mais je préfère ma situation, je trouve que c'est beaucoup plus confortable, qu'on connaisse un petit peu plusieurs chansons et surtout un album plutôt qu'un gros hit et puis que demain je retombe dans un anonymat complet. Dans ce cas, je retournerai à l'école. Bon, il y a un simple qui paraît, et ensuite le 33 tours qui viendra. Il viendra quand? Qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? Ce que je peux en dire, c'est qu'on commence à voir quelques chansons. J'ai davantage envie de travailler sur les arrangements. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup trouvé d'arrangements sur la note, mais qu'on les avait sous-mixés pour pas dire « Tiens, on a trouvé cette ligne de synthé qu'on trouve très bien. » Hop, on la met devant pour dire « On a trouvé ça aussi. » On a tout sous-mixé, ce qui faisait que ça fait un ensemble d'arrangements qui s'en mêlent les uns dans les autres et qui font le son. Et là, on a envie d'enrichir encore, d'étoffer les arrangements et de rendre, par exemple, tout ce qui est rythmique, basse, batterie, beaucoup plus violent. Ce qui fait que par rapport à ma voix qui est très soft, comme je ne suis pas un chanteur vraiment, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment un chanteur dans la mesure où je ne chante pas très bien, mais j'ai un timbre. Et j'ai un timbre qui est très soft. Et c'est justement ça qui est bien de faire, l'espèce de parallèle entre les deux. Quand on va travailler avec des gens comme les Comatines, qui sont un groupe américain, avec lesquels je m'entends très bien, on a des idées tout à fait communes pour ce qui est de la musique, de la chanson pop, puisqu'on fait de la pop, eux à New York et moi à Paris. Et il y avait aussi des membres d'Orchestral Manœuvre qui joueront avec nous, mais c'est des invités, c'est pas des gens qui vont amener leur culture et leur sensibilité dans l'album, ils vont pas débarquer comme ça. Ce sera des éléments supplémentaires, parce que c'est bien de travailler avec des gens de Londres, de New York et nous à Paris. Et en Bretagne. Enfin, toute vas te retrouver sur la scène de l'Olympia avec une dizaine de chansons que connaîtra le public. Et pour le reste, ce sera la glorieuse incertitude. Oui, mais c'est ça qui est excitant aussi. C'est-à-dire que si tout était dans la poche... ce métier, il y a une grande part d'aventure là-dedans. Et ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que c'est un peu... Enfin, quelque part, c'est l'aventure moderne. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si ça va plaire, on ne sait jamais si ça va marcher, si on va se faire jeter. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ceci dit, comme j'ai été tellement mauvais tout le temps en télé, les gens qui me connaissent, s'ils viennent, c'est parce qu'ils m'aiment bien. Donc je crois qu'ils seront un petit peu indulgents. Enfin, de toute façon, ce ne sera jamais pire que ce qu'ils ont pu voir à Champs-Élysées, par exemple. À l'Olympia, je serai tout seul. C'est-à-dire que ça a les avantages. Ça a l'avantage que les gens qui viendront me voir connaissent les chansons, les aiment bien. Bon, déjà, c'est un petit acquis. D'un autre côté, c'est lourd. Hein. C'est lourd parce que j'ai une petite carrière, j'ai 2 albums, ça fait 2 ans et demi que je fais ça. Je suis pas ce qu'on peut appeler un pro. Et je dis pas toujours ça pour qu'on me dise, mais non, pas du tout, c'est très bien. C'est pas pour ça, c'est parce que je le sais. Et c'est peut-être... l'ultra conscience de mes faiblesses et de ma nullité congénitale qui fait que si on est vraiment conscient de ce qu'on est, on va pas dire on est les meilleurs et les gens jugeront sur pièce. Nous on essaie d'être les meilleurs, enfin on essaie de travailler beaucoup de façon à ce qu'on soit bon, mais ce sera la vox populi qui va décider. Voilà, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est que C'est la première fois, je veux dire, tout le monde doit avoir cette trouille, c'est qu'il y aura beaucoup de gens de la critique, beaucoup de gens des médias, et qui vont vraiment juger froidement sur pièce, à dire soit c'est un tocard, soit c'est un jeune homme qui a de l'avenir. De toute façon, on continuera.